Là, vous voyez, rien qu'au piquage, j'entends la différence. Et en fait, j'ai juste enlevé, là où il y avait le support canette, il y avait une espèce de bourrage de fil que je suis venu retirer. Et apparemment, ça vient de là, puisque là, elle pique. Ouais, je pense que elle voulait pas que tu saches faire ta fermeture avec l'huissier. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas le faire parce que là, j'ai pas. Cette jupe alors, Chloé, t'as que 120 ans pour tout faire. Donc j'ai bien maintenu le ruban à rabord du tissu, d'accord. Et là j'ai positionné. La fermeture à l'huissière. Parce qu'à un moment donné, le curseur il va me gêner. Donc, une fois que je suis avancé suffisamment, je remonte le curseur et je viens repositionner mon tissu pour que le premier pli vienne cacher les premières dents. D'accord ? Je peux voir celle-là, ces dents-là, parce que ces dents-là elles doivent être cachées par l'autre partie du tissu. D'accord ? Et là, comme ceci. Ok ? Une fois que je suis arrivé légèrement en dessous de l'arrêt. Je prends, je tourne. Là, je peux réouvrir en fin de siècle. Il faut bien sûr que je m'assure que tout soit bien aligné. Et il faut bien évidemment que mon tissu reste bien bord à bord une fois monté. Là, tu vois, limite, ça se chevauche, c'est pas bon. Pas très bon. Et aussi que de part et d'autre, que ce soit piqué à la même distance. Ça roule ? Allez, essaye. Donc, monsieur, le haut, je dois passer combien de 1,2 ? 1,2, c'est la valeur de l'assemblage de la ceinture plus 2000 mètres. Ok ?